Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 8 mars 2017. Voici les grands titres de cette grande édition de la mi-journée. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes avec pour thème international les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030. Au Burundi, la présidente de l'association des femmes handicapées reconnaît que cette catégorie de personnes éprouve des difficultés d'accès à l'emploi. Nous vous parlerons également d'une femme qui élève seule ses 4 enfants parce qu'abandonnée par son mari. Naomi, qui est vénérante, vend des avocats, mais là aussi avec un capital emprunté. Sa vie est dure et affirme ne rien savoir de la journée lui dédiée. Portrait dans cette édition. Et 8 personnes sont en détention à Rumonge pour causer blessure volontaire sur un voisin. Les coupables reconnaissent les faits, le reprochent. Nous appellerons notre correspondant là-bas. Voilà pour le sommaire. Rebonjour. Politique à présent, le gouvernement du Burundi, par le biais de son représentant permanent aux Nations Unies, l'ambassadeur Albert Shingiro, a réagi ce lundi au récent rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Burundi. Dans la lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement burundais déclare que le rapport du secrétaire général des Nations Unies contient des faits non confirmés, délibérément exagérés et que d'autres sont fournis sans preuve. Le gouvernement du Burundi reconnaît cependant qu'il fait face toujours à des défis politiques, sécuritaires et humanitaires et ceux liés aux droits de l'homme, comme c'est le cas dans d'autres pays. Les détails sur cette lettre, c'est dans nos prochaines éditions. Le message de l'émissaire du facilitateur Benjamin Mkapa venu rencontrer le président burundais s'inscrit dans le cadre du dialogue inter-burundais, comme nous l'a confirmé le porte-parole adjoint du président de la République. À la question de savoir si cette visite est liée à la récente rencontre du médiateur Museveni et le facilitateur Benjamin Mkapa, Jean-Claude Karegwa fait également savoir que la réponse est à chercher au niveau de la facilitation. Suivez-le, il est au téléphone avec Alain Désiré Oukayeneza. Un émissaire comme envoyé spécial sont des porteurs d'un message spécial et le destinataire du message est la seule personne habilitée pour communiquer le contenu du message. Alors, nous attendons que le message parvienne au chef de l'État et qui, à son tour, pourra nous autoriser de communiquer le contenu du message. Mais, quoi qu'il advienne, vous deviez comprendre qu'il ne s'agit pas d'un déplacement spécial. C'est un déplacement qui s'inscrit dans le cadre du dialogue inter-burundais, un dialogue qui se déroule très bien à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Probablement qu'il vient pour échanger avec le chef de l'État sur l'état d'avancement de ce dialogue pour demander des qualifications, des éclaircissements et pourquoi pas des conseils au président de la République du Burundi. Cette visite intervient juste après la rencontre entre le facilitateur William Kappa et le médiateur Museveni. Est-ce que cette visite ne serait-elle pas liée avec cette rencontre? Que la visite soit liée avec cette rencontre ou pas, je ne saurais vraiment pas vous dire. Vous deviez trouver la réponse du côté de la facilitation. Si oui ou non, cette visite est liée aux derniers échanges entre le président Museveni et le facilitateur William Mkapa. Jean-Claude Karegwa, c'est le porte-parole adjoint du président de la République. La Commission foncière nationale n'est pas un nouvel organe dans le domaine foncier, mais seulement le nombre de ses membres a été augmenté par le décret présidentiel du 6 mars 2017 pour améliorer ses prestations. C'est ce qu'explique Terence Nahiraja, vice-président de cette commission. Il indique que cette commission a entre autres missions d'assister le gouvernement dans les questions foncières et surtout de corriger les irrégularités observées dans ce secteur. Selon ce vice-président de la Commission foncière nationale, ses missions sont différentes de celles de la Commission nationale des terres et autres biens. Suivez Terence Nahiraja. Cette commission foncière nationale a pour mission d'assister le gouvernement dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique foncière nationale. La commission foncière nationale donne son avis préalablement, soit à la cession ou à la concession de terres domaniales, mais également à l'expropriation foncière pour cause d'utilité publique. Elle peut également donner son avis sur toute autre question foncière que le gouvernement lui confie. Conformément à ses missions principales et aux dispositions du Code foncier du Burundi de 2011, la commission donne également son avis préalablement à l'adoption des schémas d'aménagement du territoire ainsi que des projets de lotissement des terrains domaniaux qu'elle soumet au gouvernement pour validation. À la cession ou à la concession des terres domaniales, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux autres orientations du gouvernement. La commission veille également aux acquisitions irrégulières des terres et adresse aux autorités compétentes des demandes de redressement des irrégularités constatées sur des cas d'attribution irrégulière des terres domaniales et des parcelles à bâtir ainsi que des attributions qui sont en violation des lois et règlements en vigueur. Y a-t-il un rapport entre la Commission nationale foncière et la CNTB pour ceux qui peuvent avoir une confusion? Il y a la CNTB, c'est-à-dire la Commission nationale des terres et autres biens. Tandis que la Commission foncière nationale, c'est une commission nationale qui est permanente, qui est prévue par l'article 452 du Code foncier de 2011. Cette commission n'est pas nouvelle, comme la plupart le pensent. Ses missions, je les ai déjà clarifiées. Quant à la CNTB, elle est chargée de traiter les litiges fonciers qui existent entre les rapatriés et les résidents uniquement. Là où nous nous croisons avec la CNTB, c'est quand tu as dit quelque chose pour le terrain de manière dans le temps, qui ont été illégalement attribués. Terence Nairaja, c'est le vice-président de la Commission foncière nationale. Il était au micro de notre nouveau confrère Pascal Niyoyanghunze. Les habitants de différentes collines de la commune Issalé dans la province de Bujumbura, victimes des intempéries, ont besoin d'une aide d'urgence constituée de semences. C'est après que des pluies mêlées de vent et de grêle aient détruit des plantations vivrières. Cet appel est de l'administrateur communal d'Issalé. Gilbert Niyonguru ajoute que ces fortes pluies qui sont tombées dans l'après-midi de lundi passé ont également endommagé les poteaux électriques, ce qui a provoqué une coupure électrique pendant 2 jours. L'administrateur de la commune Issalé au téléphone avec Evariste Zikoyanga. Cette pluie a passé plus d'une heure sur la zone qui bouillait, était vraiment mêlée de grêle que l'on n'avait pas encore vue dans cette localité. Alors, beaucoup de champs, les champs de culture vivrière, ici je signalerai par exemple les haricots, les tomates, les choux, les corcazes, les maniocs, bananiers. Vous parlez des cultures vivrières qui ont été détruites, il n'y a pas d'autres dommages causés par cette pluie. En plus de ces cultures qui ont été endommagées, il y a aussi 2 maisons qui ont été emportées par le vent, ainsi que les poteaux électriques qui amènent le courant ici au centre de l'eau chaude, raison pour laquelle depuis lundi, on n'avait pas d'électricité. Mais je remercie les techniciens de la régie des eaux, je viens de réparer ces poteaux. Vous dites que ce sont des jeunes plantations qui ont été détruites et quels sont les besoins urgents que nécessite cette population sinistrée? Comme l'on était encore au début de la saison culturelle B et que l'on trouve que tous les champs ont été détruits, une fois où l'on ferait des semences, je pense que ça serait une aide vraiment de grande importance pour notre population afin qu'ils puissent se préparer encore de nouveau juste pour cette nouvelle saison culturelle B. Sinon, je trouve que si rien n'est fait dans ces jours-ci, vraiment c'est de la disette qui va frapper notre population dans les jours à venir. Gilbert Niyonguru, c'est l'administrateur de la commune Issalé. Puisque nous parlons d'intempéries, une pluie torrentielle a détruit des champs de bananiers, de maïs et de manioc. Et plus de 50 maisons ont été démolies, dont 8 écoles ces 2 derniers jours dans les communes Mabaye et Bukinanyana. C'est dans la province de Bujumbura. Les habitants de ces communes craignent une famine qui peut s'en suivre d'un moment à l'autre et demandent d'être assistés. Les directeurs de ces écoles détruites demandent au gouvernement de leur venir en aide. Et l'administrateur de ces 2 communes disent qu'ils ont déjà transmis le rapport à leurs supérieurs et ils attendent la réaction. Il est 13h05 à Bujumbura. Vous êtes branchés sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit, c'est le 8 mars, journée internationale dédiée aux droits des femmes. Les femmes vivant avec un handicap éprouvent encore des difficultés pour accéder à l'emploi. La présidente de l'Association des femmes handicapées du Burundi salue cependant la ratification par le Burundi de la Convention relative à la protection des droits des personnes handicapées. Nadia Ouimana plaide pour la mise en œuvre de cette convention, surtout en ce qui concerne l'accessibilité à l'emploi et aux soins de santé pour les femmes handicapées. Avec la ratification de la Convention internationale des droits relatifs aux personnes handicapées, il y a une avancée parce que les femmes handicapées et les filles handicapées aussi sont en mouvement d'évolution. Et les obstacles restent toujours énormes. Vu l'image que la communauté donne aux personnes handicapées au Burundi ou bien en Afrique, quand la fille handicapée ou la femme handicapée termine ses études, il leur est donné une image négative quant aux capacités d'exercer le travail. Et alors, on observe l'inégalité des chances entre les garçons et les filles, mais aussi l'inégalité des chances entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées. Être handicapé physique ou avoir toute autre déficience ne signifie pas que la personne est entièrement handicapée. Elle a en elle des capacités de faire. Et dans le secteur de la santé, il y a beaucoup de difficultés, vu que les femmes handicapées mènent une vie simple. Et alors que dans la santé inclut aussi la réadaptation, et après la réadaptation, on doit avoir des appareils orthopédiques pour aider la personne handicapée à la mobilité. Et ces appareils alors sont très chers. La majorité des femmes handicapées, leur est difficile d'en avoir. C'était Nadia Ouimana, elle est présidente de l'Association des femmes handicapées du Burundi. Je vous l'avais annoncé dans les titres à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. La rédaction a rencontré une femme sur son lieu de travail. C'est une femme qui vend des avocats pour survivre. Elle élève seule ses 4 enfants parce que abandonnée par son mari. Avec un capital qu'elle a emprunté et elle mène une vie très dure et elle avoue ne pas savoir ce qu'il en est de cette journée internationale dédiée à la femme. Portrait avec Placide Niyomongere. Elle s'appelle Vénérande Nahumvukiye, âgée de 27 ans. Elle dit qu'elle est originaire de la province Muyinga, mais actuellement habite la zone Kamenge. Nous l'avons trouvée assise sous un arbre avec son bébé dans moi. Son mari est parti sans l'aviser et ne connaît même pas chez lui à l'intérieur du pays, explique-t-elle. J'étais mariée, le père de son bébé m'a quitté à 6 mois de grossesse. Je l'ai déjà trouvé parti avec tous ses bagages et je ne connais pas chez eux. Là où je vivais, on m'a chassé et pour le moment, je viens de passer 3 nuitées chez mon voisin. En plus de ce bébé, Vénérande possède encore une progéniture de 3 enfants d'un autre mari. Elle explique qu'elle a préféré divorcer par peur d'être tuée par son conjoint après que l'enfant qu'elle portait est mort suite aux piqûres d'abeilles. J'étais mariée à un autre mari avec qui nous avions fait de mariage. Il me frappait souvent et j'ai décidé de retourner chez nous. Je suis partie avec un enfant de 3 ans et 7 mois. Lorsque je me rendais dans les activités de l'association, j'ai trouvé mon enfant mort par piqûre d'abeille. Le père de cet enfant a alors organisé un coup pour me tuer. Vers 16 heures, il se mettait tout près de la route pour m'éliminer. Assise sous un arbre, Vénérande n'étale que d'avocat par un capital de son ami. J'amène une vie difficile. Je ne mange que s'il y a un bienfaiteur qui me donne au moins 500 francs. Je vends des avocats là-bas de 3000 que j'ai demandé à mon voisin. J'ai commencé de telles activités hier. Je passe une nuit à gauche, à droite. Si j'obtiens 500 francs, je parviens à manger. À défaut, je passe une nuit blanche. Cette délaissée explique qu'elle n'entend que par oreille la fête du 8 mars dédiée à la femme. J'entends par oreille parler de fête de fonctionnaires, celle de la femme. Nahumvuki est vénérante, ne compte qu'aux âmes charitables pour sortir de cette vie misérable. Elle demande à ces derniers de lui donner soit un capital ou un ticket de retour chez elle à Muyinga. Merci Placide, on parle toujours des droits des femmes. 5 filles burundaises sont enfermées dans un endroit du ministère de l'Intérieur au Koweït. Et cela depuis décembre de l'année dernière. L'information est donnée par la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, qui demande au gouvernement burundais de s'impliquer pour le retour de ces filles dans le pays. Ferdinand Simbaruhije, il est secrétaire général de cette organisation, il indique que les 5 filles sont pour le moment dépourvues de leur passeport et n'ont même pas d'argent pour rentrer. Suivez-le, il est au micro de Léon Suitario. Il y a une femme kenyane qui les a trompés en leur disant qu'au Koweït, il y a du travail, qu'une fois arrivée là-bas, qu'elle pourrait avoir un contrat de 1 000 €. Quand elles ont appris cela, elles ont été très intéressées, et donc elles ont décidé de partir. Malheureusement, elles se sont rendues compte que finalement, la dame les a eues, parce que quand elles sont arrivées là-bas, on les a maltraitées, en fait, on les a pris comme des domestiques, où elles travaillaient durement, elles travaillaient toute la journée dans les champs, elles travaillaient dans les travaux domestiques. En fait, sans repos, sans avoir à manger, et avec d'autres formes d'habits qu'elles subissaient. C'était vraiment une vie vraiment intenable. Donc c'est ainsi que à Madona, elles ont décidé de partir. De partir pour le ministère de l'Intérieur de ce pays-là. Il y a un centre là d'accueil. Bon, maintenant, elles sont dans ce centre d'accueil où elles sont là-bas. Mais le problème qui se pose, c'est qu'elles n'ont pas de passeport, parce qu'une fois arrivées là-bas, la première chose qu'on fait de ces filles-là, c'est de confisquer le passeport pour que vraiment ils puissent avoir vraiment une mainmise sur elles. Donc c'est vraiment dangereux. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas bouger parce que sans papier. Comment est-ce que vous avez pu savoir tout cela? On se communique, on se parle. Maintenant, on sait quand même, on sait comment elles vivent. Comment alors le gouvernement pourrait agir pour qu'elles puissent regagner leur pays? Nous avons déjà demandé au ministère des Relations extérieures de notre pays pour qu'elles puissent entrer en contact avec les autorités du Koweït pour voir, pour étudier la question ensemble. Et nous voulons quand même que notre pays s'investisse beaucoup pour le retour de ces filles, et nous pensons que ça va aller, nous pensons que le gouvernement y parviendra. Ferdinand Simbaruhije, c'est le secrétaire général de la FEDNADEB, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi. Nouvelle de Provence à présent, 8 personnes des collines Gatwe et Kizuka en commune des Provence et Rumonge ont été arrêtées ce mardi. La police de Rumonge les accuse d'avoir failli tuer un homme de Kizuka à coups de machette et poignard, une infraction qu'ils reconnaissent. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Des informations obtenues des voisins de Harerimana, Jean Bosco, habitant Kizuka, et confirmées par la police de Rumonge, indiquent que cet homme est tombé dans une embuscade de 5 hommes armés de machettes et de poignards vers 18h30 de ce lundi. La victime rentrait d'une mini huilerie à Gatwe et a été secourue par des personnes qui ont entendu ses cris. Cependant, il avait déjà reçu des coups de machette sur son bras et la poitrine est poignardée au niveau des hanches, selon ses gardes malades, qui ajoutent que certains os de son bras se sont cassés, comme l'a révélé une photographie à la radio. Au passant, Andonasie Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, dit que la police avait déjà réussi à mettre la main sur toutes les 5 personnes ce mardi matin, ainsi que les commanditaires de ce crime, pour un montant de 2 millions de francs burundais, sur fond d'un conflit foncier. Ce responsable policier dit que ces personnes arrêtées ont reconnu le crime et la confection de leur dossier était terminée ce mardi même et envoyée au parquet de Rumonge. Les voisins de la victime disent que cette personne devrait comparaître au tribunal ce 16 mars courant au sujet de ce conflit foncier. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et des informations en provenance de la province Kirundo font état de 2 personnes tuées par les militaires rwandais dans les eaux du lac Chohoha. La police burundaise ne confirme ni infirme la mort de ces 2 personnes, bien qu'une personne qui a pu regagner le littoral burundais affirme le décès de ses compatriotes. Selon la même source, c'était vers 23h dans la nuit de lundi à mardi que 4 hommes de nationalité burundaise en train de pêcher dans les eaux du lac Chohoha du côté du Rwanda ont été surpris par les coups de feu de l'armée rwandaise. La police burundaise condamne cette manière d'arrestation et demande aux Burundais de la frontière de respecter les consignes des autorités afin de ne pas provoquer des incidents pouvant mettre en cause la sécurité entre les deux pays. La police fait savoir que sur 16 personnes refoulées du Rwanda, 4 avaient été arrêtées dans les mêmes circonstances le 3 mars 2017 dans les eaux territoriales rwandaises. Bien qu'ils aient été reportées mortes, ces dernières viennent d'être remises aux autorités burundaises. Et encore sans vie, un homme a été découvert ce lundi dans un fossé de 12 mètres se trouvant tout près de l'école primaire de Kibuye en province de Gitega. Selon les informations en provenance de la police, cet homme s'appelait Barumbanze Raphaël, âgé de 50 ans, et était originaire de la commune Makebuko en province de Gitega. Nos sources précisent que son corps a été retrouvé après que sa famille avait signalé sa disparition. Et signalons que sa famille a procédé à un enterrement digne du défunt ce mercredi et que la police a ouvert une enquête pour arrêter les bourreaux. Et pour terminer ce journal, deux personnes et plus de 10 chèvres et cochons sont déjà mordus par des chiens errants depuis longtemps sur la colline Nerouviagira, commune de Moutambo, dans la province de Bujumbura. Abdialiman Aloïse, élu collinaire de Rouviagira, fait savoir que toutes ces personnes ont été traitées et guéries. Il lance un appel à la population de continuer la chasse de ces chiens et de les tuer. 5 parmi eux sont déjà tués par la population. Il est 13h16 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes avec pour thème les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030. Au Burundi, la présidente de l'association des femmes handicapées reconnaît que cette catégorie de personnes éprouve des difficultés d'accès à l'emploi. Et dans ce journal également, vous avez suivi un portrait d'une femme qui élève seule ses 4 enfants parce que abandonnée par son mari, Naumvuki est vénérante, devant des avocats, mais là aussi, c'est avec un capital qu'elle a emprunté. Sa vie est très dure et elle affirme ne rien savoir de la journée lui dédiée. Vous avez suivi ce portrait. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Toussaint Mitewuti. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 16h.